passer des guérisseurs et qu'il y a de place pour la gloire. Et tout échec est un instant. Le sens de la vie s'est éloigné de leurs pensées. Il n'y a que place dans leurs idées et tout s'efface de leur passé. Ils ne contrôlent plus leurs émotions et leurs passions. Ils s'enfuient le vent, les épreuves du temps et les tourments. Tout est corrompu, ça plante le petit personne. Ils façonnent leur propre jugement innocemment.